Monsieur Raymond Poirier, comment ça va cette semaine? Ça va très bien, vous? Ça va très, très bien, merci. T'es là cette semaine pour nous parler du déclin de Wikipédia. Exactement, sujet peut-être un peu plus léger pour absorber un peu ce qu'on a discuté les dernières semaines. Je trouvais ça intéressant. En fait, je suis tombé là-dessus au fil de ma veille sur le MIT Technology Review, où on se pose des questions, à savoir est-ce que Wikipédia est en déclin, et si oui, mais pourquoi? Évidemment, faut quand même se mettre en contexte. Le déclin n'est pas sur le contenu qu'on y trouve, mais plus sur le... disons, la pérennité de la surveillance, de l'analyse, de la validation de ce contenu-là. Pour ceux qui connaissent pas Wikipédia, s'il en reste encore quelques-uns, on se rappelle, c'est une encyclopédie participative. Ça avait été lancé en 2001. Ouais. Et l'idée était essentiellement de mettre à profit le savoir d'un peu tout le monde et la volonté d'un peu tout le monde pour collaborer, pour construire cette encyclopédie-là. Ça a connu quand même un bon succès. Quand ça a été lancé, il y avait quoi? 13 articles. Ensuite, en 2005, on est monté à 750 000. Je crois qu'actuellement, c'est autour, ou du moins récemment, c'était autour de 23,1 millions d'articles en 286 langues. Seulement en anglais, on parle de 4,4 millions d'articles, donc selon les derniers décomptes, donc c'est quand même pas rien. Oui, non, on peut trouver tout et rien là, sur Wikipédia. Là. Exactement, des articles extrêmement détaillés sur des vedettes d'animés et de sitcoms américaines, autant que des réflexions intenses sur l'histoire la culture. Même les personnages oui. D'un film ou d'une série ont leur page Wikipédia. C'est vrai. On a Ross Geller sur Wikipédia. Et ça, il est trop content. Et ça amène quand même un peu la question, est-ce que disons, on a fait le tour, entre guillemets, ce qui fait que l'encyclopédie est complète. Est-ce que Wikipédia est fini? Évidemment, on peut pas mettre de point final à un projet comme ça, mais dans les analyses, il y a des gens qui se disent, est-ce que dans le fond, tout ce qui devrait être, du moins en langue anglaise, dans l'encyclopédie s'y trouve? Et après ça, le reste, ça devient un peu la cerise sur le gâteau. Et est-ce que le fait, justement, que le gros travail de construction est complété, est-ce que ça fait justement que les gens s'en désintéressent un peu en matière de collaborateurs? C'est que si on regarde... évidemment, il y a différents types de collaborateurs sur Wikipédia et c'est un peu l'objectif de l'encyclopédie. C'est aussi de permettre à un maximum de gens de collaborer quand même assez facilement. Donc, quand même, pour contribuer à l'encyclopédie, ça demande un peu moins de démarches de sécurité que devenir membre de Facebook ou de Twitter. Donc, on demande pratiquement pas d'informations, là. Je veux dire, il s'agit simplement d'avoir de la bonne volonté. Et l'idée, au départ, c'était justement de pouvoir profiter soit de gens qui ont envie de s'impliquer activement dans une communauté, qui vont faire de la validation du travail quand même très régulier, mais aussi de permettre aux gens qui ont simplement, qui voient une faute, qui voient une erreur, qui ont un sujet qui leur tient à cœur, donc de venir contribuer de manière très, très pointue, précise, sur un sujet, et ensuite de ne plus jamais contribuer. Mm-hmm. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas nécessairement ces micro-contributions-là. L'idée, c'est de voir plutôt les gens qui vont collaborer régulièrement. Donc, est-ce qu'il y en a de plus en plus ou est-ce qu'il y en a de moins en moins? Évidemment, vous devinez, j'ai parlé de déclin au début, ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça ou il y en a de moins en moins, justement. En 2007, ça atteint le sommet là, des contributeurs réguliers. Si on reste un peu dans le spectre langue anglaise élargie, donc à peu près 51 000 personnes qui collaboraient régulièrement, qui avalisaient, qui analysaient, qui participaient, qui débattaient de l'intérêt d'un article, de l'intérêt d'une correction, qui faisaient aussi de la police, entre guillemets, pour s'assurer que les graffitis qui apparaissent parfois sur Wikipédia disparaissent aussi assez rapidement. L'été dernier, on en avait perdu 20 000, donc à peu près sur 6 ans. Donc, on est rendu à 31 000 personnes qui peuvent être considérées comme des éditeurs actifs. OK. À chaque jour, ça? De manière générale, c'est selon une variété de critères, donc d'implication récurrente, régulière, donc pas nécessairement à chaque jour, mais régulièrement. OK. Okay. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà 20 000 personnes de moins sur qui on peut compter. Et ça veut dire aussi que depuis 2007, il n'y a pas eu de plus en plus de gens qui ont envie non plus de participer à ça. Donc, évidemment, ça met Wikipédia devant un problème. À ça s'ajoutent aussi d'autres types de problèmes. Exemple, la majorité des articles sont en langue anglaise. Si on en regarde simplement, parce qu'eux ont... À l'interne, en fait, se sont fait des règles pour essayer de voir justement qu'est-ce qui représente comme la base d'une encyclopédie d'un point de vue régional, d'un point de vue continental. Donc, ils ont fait des listes d'articles de sujets qui doivent implicitement être traités pour qu'on puisse même juste dire que c'est une encyclopédie. Dans certaines régions, comme exemple l'Afrique subsaharienne, ils n'ont pas encore réussi à atteindre ce regroupement de 1000 articles qu'ils ont identifiés. Dans certains cas, quand on parle d'articles géolocalisés, la majorité, évidemment, concerne l'Europe et l'Amérique. Si on regarde même de manière un peu plus large, encore là, pour revenir à l'Afrique subsaharienne ou peut-être même à l'Amérique du Sud, eh bien, il y a plus d'articles géolocalisés en Antarctique qu'en Amérique du Sud ou en Afrique. Donc, ça devient peut-être aussi un problème dans la mesure où on remarque d'un côté, donc il y a une perte de vitesse, une perte de contributeurs en Europe, en Amérique, donc les deux territoires qui carburent vraiment à animer, à développer cette encyclopédie-là, mais que parallèlement, on n'a pas non plus réussi à faire le travail de démarchage pour aller chercher des gens, que ce soit en langue hispanophone, que ce soit dans les régions subsahariennes, dans les régions de l'hémisphère sud, de manière un peu plus précise, mais on n'a pas réussi non plus à aller stimuler l'intérêt des contributeurs. Donc, pour une variété de raisons, on s'entend qu'il y a sûrement des contraintes aussi socio-économiques, qu'il y a des entraînements d'accessibilité à l'information, etc. Mais reste que faut pas non plus avoir une vision trop noire de ce qui se passe dans ces régions-là. Il y a des villes, il y a de la technologie, il y a des trucs qui sont très florissantes, mais malgré justement cette potentielle ébullition-là qui pourrait être canalisée vers Wikipédia, mais ils n'ont pas réussi non plus. Et là, sur ce modèle-là, finalement, de contribution, bien évidemment, moins il y a de gens, moins c'est fiable, finalement. Oui, ou inversement, dans le fond, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir se contenter d'avoir une encyclopédie qui regroupe quand même un bon savoir américain, européen, mais que ça ne deviendra pas l'encyclopédie mondiale qu'on souhaitait avoir? Évidemment, la question de fiabilité, s'il y a moins de gens qui font de la vérification, qui font de la correction, ben est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une paupérisation de l'information en cours de route? C'est quand même l'autre question. Évidemment, tout ça dans un schisme aussi où, et je pense que n'importe qui nous écoute, qui a été à l'école, s'est fait dire, ben Wikipédia, c'est pas une source qu'on peut citer. Exact. Donc, la raison pour laquelle on peut pas la citer est quand même assez simple et assez net, c'est qu'on ne sait pas qui a été édité cette information-là. Et ça peut être autant donc un éminent chercheur, exemple en histoire de l'art, que ça peut être Monsieur, Madame, tout le monde, qui n'a pas nécessairement de connaissances, qui a lu un livre, qui a trouvé ça le fun, qui a fait l'article. Donc, comme on peut pas avaliser la personne qui a rédigé cet article-là versus, par exemple, une encyclopédie traditionnelle qui a des auteurs qui sont assignés par article et le reste, mais on peut pas l'utiliser comme source scientifique fiable. Ouais. Et ça fait aussi que, donc, d'un côté, l'anonymat de Wikipédia a permis à l'encyclopédie d'atteindre le niveau qu'elle a atteint actuellement, mais ça fait aussi qu'il y a une communauté de gens qui pourraient être intéressants en termes de contribution dans la bonification justement d'outils de type wiki, comme Wikipédia ou d'autres reliés, ben, qui ne peuvent pas non plus ou qui ne peuvent pas, dans le contexte proposé de rédaction, être mis à profit et qui empêche peut-être aussi à l'encyclopédie de devenir ou d'acquérir peut-être une légitimité additionnelle. Oui, effectivement. Donc, peut-être que ça devient un autre frein aussi à ça. Et le troisième frein qui est identifié par les analyses, et notamment justement dans la MIT Technology Review, c'est l'idée justement de la technique. Ils ont eu un gros débat, semble-t-il, à l'interne et avec justement les contributeurs réguliers, à savoir est-ce qu'il faut que ça soit simple ou est-ce qu'il faut qu'il y ait quand même un certain niveau de complexité, pas à s'enregistrer, mais à éditer l'article. Oui. Avaliser les sources, mais aussi s'approprier, si on peut dire, entre guillemets, le langage Wikipédia. Donc, un peu comme à une certaine époque, mettons, il y a 7 ans, on faisait des blogs, c'était quand même un peu plus complexe qu'aujourd'hui avec WordPress. Et l'idée, justement, et la question, c'est est-ce qu'il devrait avoir une interface de type WordPress dans Wikipédia ou est-ce qu'on garde quand même certains freins pour forcer quand même les gens à se documenter sur le processus, sur la manière, sur le décorum, sur les façons de faire à l'interne? Et il y a eu un débat. Finalement, ils ont développé quelque chose d'un peu plus visuel. Ça n'a pas vraiment été intégré parce qu'il y avait un autre contingent qui disait « Ben non, nous, on trouve qu'on y perd, on n'y gagne pas. » Et donc, il y a ce défi-là. Donc, il faut quand même vouloir. Et oui, on peut facilement s'inscrire pour faire la correction, mais de mener à bien cette correction-là n'est pas nécessairement évident. Et donc, eux se poser la question, bien, est-ce qu'on est en train d'effrayer des nouveaux contributeurs? Et donc, est-ce qu'on fonctionne seulement avec les gens qui étaient là alors que c'était cool, c'était le fun, c'était enivrant peut-être de collaborer à cette communauté-là, mais qu'aujourd'hui, bien, ça constitue un frein parce qu'il y a tellement de plateformes qui sont plus faciles, plus aisées, et donc les gens passent leur investissement, leur désir de diffusion sur le web autre part. Et là, en même temps, on peut se poser la question... Est-ce que les nouveaux contributeurs ou les nouveaux articles qui sont toujours de plus en plus petits, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Est-ce que c'est pas simplement une page qui mène vers un lien qui confirme l'information? Wikipédia serait tenté de rendre publiques les sources pour changer un peu la donne présentement? C'est quand même une grande question, en fait, effectivement. Puis même de manière générale, dans certains domaines, ça peut causer littéralement des problèmes quand même assez importants. Sans vouloir faire alarmisme, exemple, quand on parle de santé, de maladie, est-ce que l'information qu'on trouve sur Wikipédia est fiable? Qui l'a édité? Qui la met à jour? Et est-ce que nous, en tant que consommateurs d'informations, est-ce qu'on peut s'y fier? Et ça m'a amené, en fait, j'ai fait le pont vers une étude qui a été menée à l'Université Laval, qui a été publiée dans le Journal of Medical Internet Research. Eux ont passé en revue 111 études qui analysaient des wikis, donc soit des articles wiki de Wikipédia, soit d'autres encyclopédies de type wiki, et sans demander est-ce que l'information qui est là-dessus est fiable. Ce qu'ils en ont retenu, on parle de santé, on dit que les étudiants, de manière générale, s'y réfèrent dans une proportion de 81%. Les professionnels de santé les consultent également à 55%. Donc, quand même l'information assez prisée. Est-ce qu'elle est fiable, par contre? Ça, c'est l'autre question. Et les études qui portaient sur la qualité de ces informations-là indiquent qu'il y aurait 84% des informations véhiculées par les wikis qui sont seulement partiellement fiables. Donc, qui sont pas fiables, mais qui sont pas fiables non plus. Oui, c'est ça. C'est quand même intense. Et 28% concluent que le contenu n'est carrément pas fiable et ne devrait pas être utilisé. 28%, c'est quand même assez élevé, là. C'est quand même pas rien. Donc, ça veut dire qu'il y a 28% des articles sur Wikipédia ou d'autres wikis qui concernent la santé qui sont juste pas viables, qui ne constituent pas une véritable information médicale, et qu'il y en a 84% dans lesquels on a pu identifier, si on est professionnel de la santé et si on s'y attarde, qu'on a pu identifier des failles. Donc, cher professionnel de la santé, Wikipédia n'est pas une source extrêmement fiable. 28%, c'est très élevé, là, risque d'erreur. Là. Et donc, ce chercheur-là, Patrick Archambault, dit est-ce que ça veut dire justement qu'il faudrait que la communauté médicale investisse peut-être un peu plus cet outil-là parce qu'il est utilisé, parce qu'il est souvent le premier référencé. Et donc, est-ce qu'il y a une nécessité pour certains milieux, on parle de médecine, mais c'est peut-être valide aussi dans d'autres domaines, évidemment, est-ce qu'il faudrait justement que les communautés scientifiques investissent peut-être un peu plus ça? Et parallèlement, ça amène à la question que tu soulevais, est-ce qu'il faudrait justement éliminer dans cette optique-là l'anonymité pour s'assurer justement que la personne qui a mis à jour ces informations-là ou qui les a corrigées, qui les a vérifiées, qui les a validées, ça soit quelqu'un de fiable ou de crédible? Et à l'intérieur de ça, quelles informations devraient nécessiter ce processus de validation-là aussi? Évidemment, on a peut-être moins d'importance à valider ou à s'assurer de l'historicité d'un article sur Ross Geller de Friends. Mais par contre, un article sur l'ostéoporose, peut-être que ça devient plus ça intéressant devient un petit peu plus sur important. Louis XIV ou d'autres figures qui pourraient apporter l'encyclopédie à une vitesse supérieure. C'est sûrement des questions que se pose l'équipe présentement. Probablement. Exactement. Monsieur Poirier, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Sur Twitter, @itis_ul, sinon itis.ulaval.ca.